Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Are you up for it? Là, on voit du sureau, Sambuscus nigra en latin. On le voit beaucoup dans les haies champêtres. Et quand il a un certain âge et qu'il est assez gros, ça fait vraiment une espèce de nuage blanc. On en voit beaucoup au bord des routes, dans les campagnes et même en ville, au bord de l'autoroute. C'est un arbuste assez intéressant parce qu'il a des feuilles assez grosses. Et voilà, donc sa fleur, c'est une ombelle, enfin, ça forme une sorte d'ombrelle, très blanche, et en fait qui sent assez bon, et on en fait notamment du sirop. C'est bon, en tout cas que j'aime bien. Il y en a à plusieurs endroits ici, et ça pousse bien. Non lo so, e niente. Ça, on fait des micros, hein, on voit que, je sais pas si vous en êtes d'accord, mais on voit que la radio, en fait, la radio, elle a une puissance de rupture beaucoup plus forte que les autres. Madame avec le bridge, non j'ai pas le prénom, c'est quoi la fleur? Ok. Ah mais ouais, le chrono était pas parti pour moi, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on va goûter? Ce que tu veux, c'est juste parler même que les autres. Ah, ça y est, c'est toi, moi, au bout d'un moment. Ah oui, bah c'est bien. Il y a quelqu'un sur le cerf-follet? Eric, il est sur le cerf-follet. Bon, ben, je fais les marguerites. Hein? Allez, ouais, très bien. Ah ouais, l'escabieuse, il y en avait au bord du chemin. Moi, je peux aller sur... Moi, je vais sur l'escabieuse. C'est bon, hein? Il n'y aura rien, mais... il n'y en a que deux, quoi. Je pense que c'est là ou c'est là? Donc ça sont pratiques. Top. Tout à fait. Il était une fois. Il était une fois une pince à linge jaune. Cette pince à linge jaune, tu m'entends ou pas là? Ah ouais, très bien. Ah ouais, tu m'entends très bien. Alors, je suis pas assourdie. Parce que je suis pas assez dans l'eau, si là le micro il est dans l'eau. Ah, mais là, c'est bien. Après là c'est aussi plus fort, le jet d'eau est plus fort quand même. Hein. En fait je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un effet filtrage. Tu veux que tu peux baisser encore un poil, tu peux voir? Ouais, attention de pas non plus. Ouais, là c'est plus assourdi là. Et en fait là j'ai déjà, je pense, un peu plus la sensation d'avoir la tête dans l'eau. Plutôt, elle pourrait l'être. Si elle savait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, le mettre en relation avec les autres. Le soleil qui brille. Autour de nous, il y a des pins, des rochers, des petits arbustes et des oiseaux. Et c'est formidable. C'est le calme, c'est la nature. C'est parfait. Merci J'entends les bruits de voiture. J'entends le bruit d'un moteur. Et le passage d'un bus. J'entends le vent, des hélicoptères, des oiseaux, des abeilles. Des gens qui font du vélo. Des rires. Un briquet. Des voitures. Des portes de voiture, des chats, la musique, des graviers, des pas. J'entends un chien qui aboie. Et des enfants qui jouent. Et qui font du vélo. J'entends un bus. J'entends les oiseaux. J'entends un avion. Et le bruit des buissons. Des gens qui parlent. Un chien, des enfants qui jouent au parc, une personne qui marche, des camions et des voitures, une petite fille qui marche et qui court, et j'entends ma respiration. Alors, c'est exact, oui, le plantain a des tas de propriétés. Alors, encore une fois, c'est... Le plantain, c'est un genre qui réunit, me semble-t-il, 100 à 200 espèces et qui ont toutes des propriétés médicinales qui ont été exploitées quasiment dans toute l'Europe et l'Asie, principalement. Et effectivement, le plantain, on peut s'en servir pour... directement, de façon très simple, en prenant une feuille et en la frottant sur une piqûre d'ortie ou d'insecte, par exemple. Donc ça calme les démangeaisons et la douleur. Un autre usage, c'est pas ce plantain-là, c'est le plantain Plantago indica, dont les graines, me semble-t-il, sont utilisées pour des pansements gastriques ou des choses comme ça. On le connaît sous le nom de psyllium. Psyllium blond, c'est vendu dans les herboristeries. Les antennes sur les voitures, les routiers, ils avaient vu tout ça, la CIBI. Et donc, ils sont où les flics? Bonsoir, les flics, ils sont là. Non, ils avaient des antennes. Thank you. C'est bon, une minute. C'est quoi, là ? Alors ça c'est du romarin, c'est un petit arbuste et moi ça me fait penser à mon enfance quand je me baladais dans le jardin de ma grand-mère, ça sentait exactement ça. La garrigue. La garrigue est un paysage végétal typiquement méditerranéen, constitué d'arbustes et de buissons sur sol calcaire. Elle s'installe aux endroits où la forêt de chênes verts et la pinède ont été détruites. La garrigue à romarin se développe sur les affleurements calcaires les moins durs. On remarquera tout au long du sentier les feuilles très étroites ou très poilues des principaux arbustes et arbrisseaux. La réduction des feuilles et leur pilosité réduisent la perte d'eau par transpiration, ce qui est considéré comme une adaptation des plantes à la sécheresse. Pour aider au retour de la forêt, l'homme replante des arbres dans les endroits où le sol reste assez chaud. Comment ne pas parler de l'amandier ? Ici, il n'y en a qu'un seul. Et il est plutôt en forme. Bon, faut dire qu'il est arrosé. Donc il est assez gras. Il a les feuilles bien vertes. Et surtout, cette année, il a plein d'amandes. Donc au printemps, en février, c'était magnifique. Il était tout en fleurs. Donc l'amandier, c'est quand même un arbre emblématique d'ici. De la Provence, je veux dire, pas forcément de la Friche. Un arbre assez symbolique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été planté ici. On espère avoir de bonnes amandes cette année. end of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.